إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc alhamdulillah, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et inshallah on va discuter sur un sujet aujourd'hui qui s'intitule Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, c'est-à-dire la Aqidah de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Donc on va lire la conférence d'un des ulama de l'islam qui s'appelle Cheikh Saleh Al-Fawzan et on va lire ensemble donc qu'est-ce qu'il a expliqué justement à ce sujet-là qui est très important, hein, qui est le sujet de la croyance islamique, le fondement de la croyance de l'islam. Donc le Cheikh il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فإن العقيدة هي أساس الدين وهي الأصل الذي تبنى عليه جميع العبادات فلا بد أن تكون العبادة فلا بد أن تكون العقيدة عقيدة صحيحة ليبنى عليها بقية أمور الدين لأن البناء لا يكون إلا على أساس سليم فإذا اختل الأساس اختل البناء قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Donc le Cheikh il commence en disant بسم الله الرحمن الرحيم louange à Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur des mondes et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille ainsi que ses compagnons en entier, donc sur tous les compagnons. Amma ba'd. Il faut comprendre pour commencer que la aqida, la croyance islamique, est la base de notre religion. C'est la base sur laquelle tout le reste des adorations, tout le reste des pratiques religieuses est établi. Et donc il faut absolument que notre aqida, notre croyance, soit correcte, pour que le reste de notre religion soit correct également. Puisque, yani, si on construit une maison ou un bâtiment sur une fondation qui est incorrecte, eh bien, le bâtiment, c'est certain qu'il ne va pas tenir. Si la fondation, elle penche ou elle est croche, eh bien, le bâtiment va pencher également, et il va être croche, et puis par la suite, il va s'écrouler. Et donc, le Cheikh, il mentionne un verset dans le Coran qui illustre justement cette réalité. Donc, c'est le verset 109 dans Sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, est-ce que celui qui a établi son bâtiment sur la taqwa, c'est-à-dire sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur l'agrément, ce n'est pas mieux, ou bien celui qui a établi son bâtiment sur le bord d'un gouffre de feu, hein, dans lequel il s'enfonce, yani, pour tomber dans l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les peuples injustes. فَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَهِيَ الْعَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ وَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى نِفَاقٍ وَكُفْرٍ وهو كمن أسس بنيانه على طرف جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهذه العقيدة الفاسدة كعقيدة الكفر والنفاق والشرك بالله عز وجل. وجاء جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجميع الرسل جاءوا لتصحيح العقيدة وبيانها وبيان ما يضادها من الشرك بالله والكفر والنفاق أو ينقذها كالبدع والخرافات. فالأنبياء بعثوا إلى كل أمة كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh explique, il dit que ça c'est la différence entre celui qui a établi sa demeure ou sa maison sur une bonne aqida et celui qui a établi sa aqida sur le nifaq, l'hypocrisie ou bien le kufr, la mécréance. Donc celui qui a établi sa maison sur le kufr et sur la mécréance, eh bien il s'est comme établi, c'est comme s'il avait établi sa maison au bord d'une falaise ou au bord d'un gouffre, et puis par la suite il tombe dans l'enfer à cause de ça. Donc ça c'est yani, important dans ce cas-là de faire en sorte à ce que notre aqida soit correcte, à ce que notre aqida soit basée sur la foi, sur le tawhid et sur la sunna, et non pas sur le kufr, sur le nifaq et sur le shirk. Et tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, ils sont tous venus pour commencer par ce travail, c'est-à-dire le travail de corriger la aqida des gens, le travail de corriger et de clarifier la bonne aqida, pour clarifier pour les gens qu'est-ce qui vient en opposition et en contradiction avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils expliquent aux gens qu'est-ce que c'est. Les prophètes et les messagers d'Allah viennent clarifier aux hommes qu'est-ce que c'est le kufr, qu'est-ce que c'est le shirk, hein, et qu'est-ce que c'est le nifaq, qu'est-ce que c'est l'hypocrisie, pour que les gens puissent éviter justement de tomber dans ces formes d'égarement-là, pour qu'ils, yani, pour pas qu'ils ne finissent dans l'enfer, et également pour leur clarifier qu'est-ce qui vient diminuer la foi, ou bien qui vient causer des problèmes et des défaillances dans leur religion également, comme les innovations et les superstitions ou les choses qui sont en contradiction avec yani, le tawhid ou bien les bases de la sunna. Donc tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés au peuple, ils sont tous venus pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset 36 dans sourate An-Nahl. Il dit: nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour qu'ils disent aux gens: adorez Allah et écartez-vous du tarot. Écartez-vous du tarot, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit: وهذه هي العقيدة الصحيحة وهي عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. Donc c'est ça la bonne aqida, d'adorer Allah lui seul, hein, de ne pas prendre d'intermédiaire ou d'intercesseur entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Donc on l'invoque et on l'adore lui seul directement, et on s'écarte du tarot. وَهُوَ كُلُّ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّهِ. Et c'est-à-dire le tarot, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. هَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله عبادة الله واجتناب عبادة ما سواه، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc le cheikh explique que la signification de la ilaha illallah en français, ça signifie quoi? Ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comme certains parfois le traduisent, et ils le traduisent incorrectement en disant: nul n'est, hein, il n'est de Dieu que Dieu, hein, il n'est de Dieu que Dieu, ou bien ils disent: il n'est de créateur que Dieu. Et ça, c'est une fausse traduction de la parole de la ilaha illallah. Puisque même les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, hein, les gens de Quraysh, Il savait qu'il y a un Dieu unique, et il savait que c'était lui le Créateur, et il croyait en ça. Et le problème avec eux, qu'est-ce qui a fait que c'était des mouchrikoun et qu'ils étaient sur le shirk? Hein? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a déclarés comme étant des mouchrikoun et pourquoi il les a combattus pendant des années? Hein? C'était pas parce que ils refusaient de reconnaître qu'il y a un seul Créateur ou qu'il y a un seul Dieu. C'est parce qu'ils refusaient d'abandonner et de cesser d'adorer les intermédiaires et les intercesseurs qu'ils avaient établis entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa » et on les adore seulement pour qu'ils puissent nous approcher plus d'Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'indallah » Hein? Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter, puis par la suite ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'était ça leur shirk. Hein? Et donc c'est la preuve que la ilaha illallah ça ne veut pas dire il n'est de Dieu que Dieu, hein? Il n'est de créateur que Dieu, il n'est de maître de l'univers que Dieu, puisque cette signification là était déjà acceptée par les mouchrikoun et ils croyaient déjà en ça. Les gens de Quraysh, ils étaient déjà d'accord avec ça. Et c'était pas ça le problème. Donc, le Cheikh, il dit, la signification de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est d'adorer Allah seul et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les êtres humains, par les hommes sur la terre. Et vous savez que, parmi les hommes, il y en a qui adorent toutes sortes de choses. Il y en a qui adorent des prophètes, il y en a qui adorent des anges, il y en a qui adorent des saints, des tombes, des tombeaux, des anges, des djinns, il y en a qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, il y en a qui adorent les arbres et les pierres, il y en a qui adorent les animaux. Donc parmi les êtres humains, il y en a qui adorent toutes sortes de choses. Et donc les messagers, ils viennent et ils disent aux hommes, cessez d'adorer tout ce que vous adorez en dehors d'Allah et adorez le Créateur seulement. Et rendez votre adoration exclusive pour lui et pour lui seul. Et abandonnez tout ce que vous invoquez et tout ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Comme dans le verset 25, dans Suratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, on n'a pas envoyé de messager avant toi, excepté qu'on lui a révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et également le verset 36 dans Surat An-Nisa, et adorez Allah et n'associez rien avec lui. وهذا حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما قال عليه الصلاه والسلام حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالرسل عليهم الصلاه والسلام من اولهم الى اخرهم جاءوا لتحقيق هذا الامر لتصحيح العقيده والنهي عما ينافيها أو ينقصها من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي حتى تستقيم العقيدة لله عز وجل وأمروا الناس أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وأن يعبدوا الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc le cheikh, il dit que c'est ça le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Et c'est ce que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, selon Mu'adh ibn Jabal, il a dit dans ce hadith que le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Les messagers donc, du premier jusqu'au dernier, ils sont tous venus pour établir et pour réaliser cet ordre et ce commandement, c'est-à-dire pour corriger la aqida des gens, pour corriger et interdire aux gens tout ce qui vient opposer cette aqida, ou bien la diminuer parmi les différentes formes de kufr ou de shirk, ou d'hypocrisie, de nifaq, ou de désobéissance, al-ma'asi. Pour que la religion des gens puisse être établie sur la aqida à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont ordonné aux hommes d'adorer Allah seul, hein, et de lui purifier leur religion pour lui. C'est-à-dire de purifier leur religion de toute forme d'idolâtrie ou d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, comme il le dit, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, hein. Qu'il soit purifié de tout ce qu'on lui associe. Donc ça c'est la bonne aqida. Et quiconque s'accroche à ça, quiconque s'accroche à cette aqida, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Le cheikh il dit hadhihi hiya al-aqidatu as-sahiha faman tamassaka biha fa innahu qad tamassaka bil urwati al-wuthqa. كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Donc il n'y a nulle contrainte en religion. Il n'y a pas de raison de contraindre quiconque en religion, puisque la vérité, la droiture, elle a été clarifiée. Elle a tellement été bien clarifiée qu'on n'a plus besoin de forcer quiconque à accepter la vérité. La droiture a été clarifiée de la déviation. Celui, donc quiconque, a mécru ou a rejeté le tarout, c'est-à-dire il a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a affirmé sa foi à Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Ça c'est dans le verset 256 dans sourate Al-Baqarah. Ensuite il dit « فَمَنْ كَفَرَ بِالطَّاغُوتِ وَآمَنَ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ وَبِذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكُتُبَ هُدًى لِلنَّاسِ أَنْزَلَ الْكُتُبَ هُدًى لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ وَالْعَقَائِدَ الْمُنْحَرِفَةَ حَتَّى يَتَمَسَّكُوا بِالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَيَجْتَنِبُوا الْعَقَائِدَ الْمُنْحَرِفَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il dit, quiconque a rejeté le tarout et a cru en Allah, il s'est accroché à l'anse la plus solide. Et c'est ça la bonne aqida. Et c'est avec ça qu'Allah a envoyé les livres, hein, qu'il a révélés aux hommes, pour guider les hommes, hein, comme une guidance pour les hommes, pour clarifier aux hommes la bonne aqida, et pour la distinguer de la mauvaise, celle qui est déviée. Et pour qu'ils puissent s'accrocher à la bonne aqida, et pour qu'ils puissent s'écarter de celle qui est déviée et qui est mauvaise. Et il mentionne le verset 153 dans sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous faire dévier de son chemin. » Voilà en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint pour que vous puissiez atteindre At-Taqwa, pour que vous puissiez le craindre. Et ce hadith, il est bien, il y a un hadith qui explique ce verset, en fait, qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel on mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite sur le sol, et il a dit, voici le chemin d'Allah. Et ensuite, de chaque côté de ce chemin, à gauche et à droite, il a tracé des petits traits, et il a dit, ceux-ci sont les chemins d'égarement. Et il a récité ce verset, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers, ou les petits chemins qui vont vous faire sortir, ou qui vont vous faire dévier de ce sentier. C'est pour dire que le chemin de la guidance, le droit chemin, il est un chemin unique, et les voies d'égarement sont multiples et sont nombreuses. Et il a dit qu'à la tête de chacun de ces petits chemins qui sont séparés du droit chemin, à la tête de chacun d'entre ces petits chemins-là, il y a un diable qui invite les gens à le suivre. Donc, ça c'est pour nous mettre en garde contre l'égarement et contre la mauvaise croyance. Et le dernier d'entre les messagers, c'est-à-dire le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tous les hommes. Contrairement aux messagers qui sont venus préalablement, les autres sont venus à leur peuple en particulier et pour une période spécifique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour un peuple en particulier, il a été envoyé à tous les peuples sur la terre, sans exception. Et jusqu'à la fin des temps, pour qu'il puisse appeler les hommes à adorer Allah seul et qu'ils s'écartent de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne donne à Allah aucun partenaire dans l'adoration. Et il dit, ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. فلا بد أن يقولها المسلم ويعتقدها ويعمل بما ويعمل بها ظاهرا وباطنا. هذا هو المطلوب. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la preuve, un des exemples qui montre qu'il a été envoyé à tous les peuples et à tous les hommes sur terre, il dit: j'ai été ordonné de combattre les hommes en entier sans exception jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'ils disent rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et lorsqu'ils ont dit cette parole, ils sont protégés de moi dans leur sang et dans leur bien, excepté pour un de ses droits. Et leur jugement en revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit absolument croire en cette parole, de la ilaha illallah. Il faut qu'il la dise et il faut qu'il y croie. La ilaha illallah, c'est pas juste une parole qu'on répète sans la comprendre. Hein? Prenez n'importe qui parmi les gens qui ne sont pas musulmans, hein, des chrétiens ou des juifs qui ne parlent pas l'arabe. Vous le prenez et vous lui dites: répétez après moi la ilaha illallah. Est-ce que vous pensez que ça suffit pour qu'il soit musulman? Il faut qu'il comprenne au moins qu'est-ce que ça veut dire, hein? Il faut lui expliquer la signification. Et donc si vous lui dites pas que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté le créateur, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, si vous lui avez pas expliqué et qu'il le répète sans comprendre, ça n'aura aucune valeur pour lui au jour de la résurrection. Il faut qu'il le dise et qu'il comprenne qu'est-ce que ça signifie. Et une fois qu'il l'a compris, il faut qu'il l'applique. C'est pas juste de dire, ok, il va répéter la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis le lendemain, il continue à aller à l'église. Hein? Est-ce que ça c'est correct? C'est comme si quelqu'un, par exemple, il fait son wudu, puis après il va aux toilettes. Est-ce qu'il peut faire la salat? Répondez. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que son wudu est annulé. Et bien la même chose pour celui qui dit la ilaha illallah. Puis après il retourne adorer d'autres choses que Allah. Est-ce que c'est accepté son la ilaha illallah? Non, parce qu'il a contredit la ilaha illallah. Donc c'est la même chose. Et c'est pour ça que le musulman, il doit dire cette parole et il doit y croire. Et il doit non seulement le dire et y croire, il doit l'appliquer en apparence extérieurement et à l'intérieur de lui-même, intérieurement, pour qu'il soit un vrai croyant et qu'il soit sincère. Et c'est ça ce qui est demandé. Et le cheikh il dit ensuite, « وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ لَهُ رَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَمَا بعث بذلك من سبقه من النبيين والمرسلين، فدعا صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ودعا إلى ذلك أولا وبين ووضح، واستجاب له من أراد له السعادة. ثم لما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة وتبينت واتضح الحق، عند ذلك أمره الله بالجهاد لقمع المعاند الذي أبى أن يقبل هذه الدعوة ويأخذ هذه العقيدة وأراد أن يستمر على الشرك وعبادة الأوثان. أمره الله بالقتال فقاتل صلى الله عليه وسلم المشركين وقاتلهم بعدما دعاهم وبين لهم ووضح لهم العقيدة الصحيحة ونهاهم عن الشرك ولم يستجيبوا عند ذلك قاتلهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلهم عليه الصلاة والسلام ونصره الله عليهم وكسر الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله كاللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وجميع الأصنام حطمها صلى الله عليه وسلم واستقرت العقيدة، عقيدة التوحيد، وتمسك بها أصحابه، ثم تمسك بها أتباع الصحابة من التابعين والقرون المفضلة، وكانوا على عقيدة واحدة، كلهم كانوا على عقيدة واحدة. Donc le cheikh explique, il dit ensuite que Le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, il a appris aux gens le tawhid et il l'a expliqué comme les messagers avant lui l'avaient clarifié. Et il a appelé les gens au tawhid et à rendre l'adoration pour Allah seul et à abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé à cela en premier, puis il a clarifié, hein, et il a expliqué, et ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu le bonheur ont répondu à l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait cette da'wah pendant 13 ans, appeler les gens à la ilaha illallah pendant 13 années, leur expliquer le tawhid et l'unicité d'Allah et sa signification, il a fait la hijra vers Médine, hein, et là, la aqidah encore une fois a continué à être établie et à être clarifiée, hein, et la vérité a été encore plus claire. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'établir le djihad et de lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour remettre à sa place les opposants et les gens qui s'opposent par orgueil et par fierté à accepter l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à remettre à leur place ceux qui avaient refusé la da'wah. Et qui avait refusé d'accepter cette aqidah et qui a voulu persister et continuer dans le faux et dans le mensonge d'adorer les idoles et d'adorer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les statues, les idoles, les arbres, les pierres et les autres choses que les gens adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui a ordonné de combattre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de combattre les mushrikines. Et il a combattu les mushrikines et il a malgré tout continué à les appeler à l'islam et à leur clarifier l'islam et la bonne aqidah. Hein? Et il leur a interdit le shirk et ils n'ont pas accepté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus puisque Allah lui a ordonné de le faire. Il ne l'a pas fait parce qu'il veut se venger ou bien parce que c'est pour montrer sa force. C'est Allah qui lui ordonne. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il obéit à son créateur. Il suit la révélation que Allah lui révèle. Et donc, puisque Allah lui a ordonné, il l'a accompli l'ordre. Et Allah lui dit dans le verset 39, dans Surat Al-Anfal, et combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et les ulama ont expliqué, dans le tafsir de ce verset, la fitna c'est quoi? C'est le shirk. C'est le fait d'adorer d'autres que Allah, d'associer avec Allah. Donc combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idolâtrie et plus de shirk et que la religion tout entière soit pour Allah seul. Hein? Quand on dit qu'on ne doit pas adorer d'autres que Allah et on doit rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique pas seulement que nous-mêmes on ne le fait pas. C'est pas seulement de dire moi j'accepte pas le shirk et je vais pas faire de shirk, c'est-à-dire je vais pas adorer d'autres que Allah. Ça implique également que tu rejettes et tu considères que tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah adorent est faux. Tu considères que ce qu'ils font quand ils adorent d'autres que Allah, c'est rejeté et c'est faux, c'est pas accepté. Hein? C'est pas, ça n'a aucune vérité. Il y a aucune vérité là-dedans. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, ces mushrikines, et Allah lui a donné la victoire sur eux. Hein? Lui a donné la victoire sur eux à la fin. Hein? Ça c'est lorsqu'il est parti à la Mecque. Et il a détruit les idoles une par une. Hein? Il a détruit les idoles que les mushrikoun adoraient en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter le mensonge. On ne peut pas accepter la fausseté. Hein? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pas dit comme certains aujourd'hui disent. Hein? Chacun a le droit d'adorer ce qu'il veut. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Non. Tout le monde est ordonné par Allah de croire en la vérité. Et personne n'a le droit de croire au mensonge et de croire à ce qui est faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on associe avec lui sur la terre qu'il a créée pour nous. Hein? C'est pas la terre de n'importe qui, de tous les hommes, de X ou de Y. C'est la terre d'Allah. Et sur sa terre, il n'accepte pas qu'on adore d'autres que lui. Et donc il nous ordonne donc que la seule adoration qui soit établie sur la terre soit son adoration à lui. Et s'il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors de lui, ces autres choses-là doivent être détruites. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné donc à son messager de faire. Et c'est ça ce qu'il a fait lorsqu'il a eu la capacité de le faire. Hein? Il a détruit ses idoles. Auparavant, il allait à Mecca et il invitait les gens à abandonner l'idolâtrie, abandonner les idoles. Mais il le faisait pas. Mais il continuait à les appeler au tawhid, il continuait. Quand il a eu la force, il a eu la capacité, il a détruit les idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah, comme Al-Lat et Al-Uzza et Manat, qui étaient trois grosses idoles que les mouchrikoun adoraient à l'époque. Et on sait qu'ils avaient 360 idoles qui entouraient la Kaaba, et ils les prenaient comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, il les a toutes cassées, il les a toutes détruites. Et la aqida du tawhid a été établie et les sahaba ont continué à s'y accrocher, et tous ceux parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis ont continué parmi les meilleurs siècles, hein, al-qurun al-mufaddala, les meilleures générations, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui la suit. Donc ils se sont tous accrochés à ça. Ils étaient tous sur une seule et même aqida, une seule et même compréhension de la religion, une seule et même croyance. Ils étaient sur la aqida du tawhid et de l'islam. Et le cheikh il dit: كانوا كلهم على عقيدة واحدة في الصدر الأول والقرون المفضلة. كان المسلمون كلهم على عقيدة واحدة وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها خير القرون، حصل في المسلمين أن دخل في الإسلام أناس يصبحون معهم عقائدهم وأفكارهم، كثر الدس على المسلمين من هنا وهناك، حصل الافتراق بعد القرون المفضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Donc le cheikh il dit, donc après, hein, ils étaient tous les sahaba étaient tous sur la même aqida pendant les trois meilleures générations, hein, mais en particulier la première des générations, tous les musulmans étaient tous sur la même aqida, une seule aqida, c'est-à-dire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait amené. Et ensuite, après les siècles qui ont passé, hein, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé arriva. Donc il y a des gens qui se sont convertis à l'islam de plus en plus, toutefois ils ont commencer à amener dans l'islam des croyances et des pratiques qui sont étrangères à l'islam. Hein? Et donc, ces choses-là ont commencé à s'infiltrer parmi les musulmans. Et la division a commencé à apparaître d'ici et de là, hein? Après que les trois meilleures générations soient passées. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait averti les musulmans quand il a dit, dans le hadith de Al-Arbad ibn Sariya, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et il a dit dans un autre hadith également, il a dit, cette umma va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer, excepté une. Et les sahaba ont demandé, laquelle au messager d'Allah? Et il a répondu, c'est celle qui est sur ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. فلما حصل الاختلاف في العقيدة وافترقت الفرق وكل فرقة لها عقيدة تخالف عقيدة الآخرين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وقبورية من عباد الأولياء والصالحين لما حصلت هذه المحن وحصلت هذه الفرقة والاختلاف في أمور الدين ولا سيما العقيدة صارت كل فرقة لها عقيدة تخالف عقيدة الفرقة الأخرى عند ذلك قام العلماء علماء أهل السنة والجماعة وأئمة أهل السنة والجماعة ببيان عقيدة السلف، لأنهم مأمورون باتباع السلف وعقيدة السلف الصالح. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Le Cheikh il dit que donc lorsque la division est apparue et que les différentes sectes sont arrivées dans la croyance, chaque secte a une croyance qui est différente de la croyance de l'autre. On a vu apparaître des sectes comme la secte des Jahmiya, hein, qui nie les noms et les attributs d'Allah. On a vu apparaître la secte des Mu'tazila, qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu apparaître la secte des Asha'ira, hein, qui nie la plupart des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont beaucoup d'erreurs dans différentes parties, différents aspects de la croyance islamique. On a vu apparaître des groupes de soufis et des turqs soufis, hein. Et on peut même plus les compter tellement qu'il y en a. Naqshbandiya, Sahrawardiya, Naqshbandiya, Shafiliya, Tijaniya, Butchishiya. Et ça finit plus, hein. Allahu musta'an. Toutes des firaqs et des turqs de bid'ah, hein. Des groupes de Quburiya, c'est-à-dire des gens qui adorent des tombes et qui adorent des saints en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces divisions-là sont apparues, hein, et les divisions sont arrivées donc dans la aqida. Chaque secte a une croyance qui est différente de l'autre. Donc qu'est-ce qui est arrivé à partir de ce moment-là? Les ulama de Ahl al-Sunnati wal Jama'a se sont levés et ils ont commencé à clarifier la aqida des salaf salih. C'était quoi la aqida des premiers musulmans? La aqida de Ahl al-Sunnah, la aqida des sahaba. Hein? Parce que c'est très simple et c'est très facile à comprendre en réalité. Si tu veux savoir si tu es sur le droit chemin, tu as juste à te poser une seule question. Est-ce que la aqida que je suis, la aqida que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est la même que celle d'Abu Bakr et d'Omar et d'Othman et d'Ali radiyallahu anhum? Si c'est oui la réponse, dis Alhamdulillah, parce que tu es sur la bonne aqida, tu es sur la bonne voie. Mais si la aqida que tu as aujourd'hui elle est différente de celle d'Abu Bakr et d'Omar et d'Othman et d'Ali, alors dans ce cas-là, hein, t'es dans les problèmes maintenant, parce que tu contredis la bonne aqida, la bonne voie. Et donc c'est pour ça que les ulama ont clarifié qu'est-ce que c'était la aqida des salaf. Parce que si tu l'as pas étudié, si tu l'as pas appris, si tu es pas au courant, si tu sais pas c'était quoi la aqida des salaf, c'était quoi la aqida d'Abu Bakr et de Omar et de Uthman et de Ali et des autres parmi les sahaba, si tu la sais pas, comment tu peux savoir que ta aqida elle est bonne ou non? Hein? C'est bien beau, hein? C'est comme par exemple des gens aujourd'hui, on dit, il y a des gens qui disent je suis musulman. Et ils disent je suis musulman à ma façon. Hein? Moi je suis musulman selon moi, à ma façon. Est-ce que ça c'est correct? Hein? Tu vois qu'il y a beaucoup de musulmans maintenant qui sont nés dans les familles musulmanes, ils n'ont jamais ouvert le Coran une seule fois dans leur vie. Et quand je dis l'ouvrir, c'est pas juste l'ouvrir et le lire, mais l'ouvrir pour, hein, lire et comprendre ce qui est écrit dedans. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont jamais lu le Coran du début jusqu'à la fin. Jamais. Donc qu'est-ce qu'ils ont de l'islam? C'est une idée qu'ils se sont fait à eux-mêmes dans leur tête. Et ils s'imaginent que l'islam c'est ça. Ou bien ils regardent qu'est-ce que leurs parents pratiquaient, ou leurs grands-parents, puis pour eux l'islam c'est ça. Ils n'ont jamais pris la peine d'essayer d'ouvrir le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou de prendre Riyad al-Salihin et de commencer à lire qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié et a expliqué de la religion d'Allah. Et après quand tu vas voir des musulmans comme ça et que tu leur expliques des choses de l'islam, ils rejettent, ils refusent, ils disent non, c'est pas ça l'islam. L'islam que je suis, moi, c'est pas ça. Mon islam à moi, c'est pas le même islam que toi. Il dit, subhanallah. Moi, mon islam, il est basé sur le Coran et sur la Sunna. Et pour chaque chose que je te dis, hein, je peux te montrer un verset et je peux te montrer des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ton islam, tu le bases sur quoi? Tu le bases sur tes idées, sur ta compréhension personnelle, sur tes propres passions? Si c'est le cas, alors ton islam n'est pas correct. Et tu ne dois pas être musulman à ta façon, tu dois être musulman à la façon que Allah veut que tu sois musulman. Tu dois te soumettre à Allah comme Allah veut que tu te soumettes à lui. Et tu dois être croyant comme Allah veut que tu crois en lui, et non pas comme toi tu veux croire en lui. Puisque sinon, dans ce cas-là, tu n'es pas un vrai musulman, tu n'es pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'être un musulman, c'est ça. Et c'est pour ça que les ulama de Ahl Sunnah, étant donné que ce sont eux qui connaissent le mieux Allah et qui connaissent le mieux la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui se sont levés et qui ont clarifié pour le reste des musulmans la vraie aqidah qui était la aqidah des premiers musulmans, la aqidah des salaf al-salih. Et il mentionne le verset saint dans surat al-Tawba dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les tout premiers parmi ceux qui ont cru, parmi les muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ont cru à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait la hijra, qui ont quitté la Mecque pour Médine, on les appelle les muhajiroun. Et les ansar, c'est-à-dire ceux qui étaient les habitants de Médine et qui ont cru à l'islam et qui ont accueilli les musulmans de la Mecque, hein, on les appelle les ansar parce qu'ils ont défendu l'islam. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est-à-dire ceux qui sont venus après eux et qui les ont suivis dans leur islam, dans leur croyance, dans leur pratique, de la meilleure manière, hein, avec sincérité, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est-à-dire que de suivre ceux-là, c'est une obligation. De suivre les sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar, c'est une obligation, puisque Allah est satisfait d'eux. Et il a glorifié ceux-là et ceux qui les suivent de la meilleure manière. Donc il faut les suivre de la meilleure manière, c'est une obligation. Et donc le cheikh, il mentionne donc ce verset, il dit... فالله أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ووعدهم جزيل الأجر والثواب وأما من بعدهم فإنما وعد من اتبعهم بإحسان أي مشى على منهجهم من غير غلو ولا تساهل من غير إفراط ولا تفريط هذا معنى بإحسان يعني يتبع منهج السلف اتباعا صحيحا لا يغلو فيه ولا غلو فيه ولا تساهل لا إفراط ولا تفريط فضمن لمن اتبع السلف الصالح أن يرضى عنه الله جل وعلا أن يرضى عنه وأن يدخله الجنة كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فلما كان الأمر كذلك احتاج المسلمون إلى بيان عقيدة السلف التي من اتبعها وتمسك بها حصل على هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا ومن خالفها واتبع غيرها فإنه يكون من أهل النار لأنه ترك سبيل النجاة وترك سبيل الحق وأخذ بطريق الضلال وطريق الباطل. Donc le cheikh il dit donc que Allah a fait l'éloge des premiers croyants parmi les muhajirines et les ansars, et il leur a promis la meilleure récompense. La meilleure récompense. Mais ceux qui viennent après eux, hein, il a dit comme condition pour que Allah leur donne cette récompense et pour qu'ils les agréent et pour qu'ils soient satisfaits d'eux, la condition c'est quoi? C'est qu'ils les suivent de la meilleure manière. اتبعوهم بإحسان. Celui qui ne les suit pas de la meilleure manière, ils n'auront pas cette récompense et ils n'auront pas cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui marche sur leur voie, c'est-à-dire sur la voie des salafs, sans tomber dans l'extrémisme et sans tomber dans le laxisme. Hein? L'extrémisme, il est toujours de deux façons. Il y a toujours deux extrêmes dans l'extrémisme. C'est pas comme les gens aujourd'hui essaient de le faire montrer parfois dans les médias ou ailleurs, ils disent « Ah, les extrémistes ». Et ils mentionnent seulement qu'une catégorie d'extrémistes. Ils oublient l'autre, c'est-à-dire ceux qui sont tombés dans le laxisme, c'est-à-dire qui sont tombés dans le fait de négliger et de nier ou d'oublier et de délaisser des aspects obligatoires et parfois même fondamentaux de l'islam. Donc, quand tu veux être sur la voie des salaf et que tu les suis de la meilleure manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne tombes pas dans l'extrême, peu importe de quel côté. Ni dans l'exagération en faisant trop ou en dépassant la limite d'Allah, et ni en diminuant ou en enlevant ou en faisant preuve de laxisme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc il y en a qui exagèrent, il y en a qui font trop, qui veulent dépasser la limite d'Allah. Et il y en a qui veulent même pas faire qu'est-ce qui est obligatoire ou qu'est-ce qui est nécessaire. Donc tu dois être entre les deux extrêmes. Et celui qui suit les salafs, et les premiers musulmans, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, celui qui les suit correctement, sans tomber dans l'extrémisme, sans tomber dans le laxisme, hein, alors dans ce cas-là, hein, il fait partie de ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il sera satisfait d'eux et qu'il va les faire rentrer dans son paradis. Comme il le dit, radiyallahu anhu, il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Wa radu anhu. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, hein, c'est-à-dire le paradis. Donc, il dit, étant donné que c'est cette question est si importante pour les musulmans, il était nécessaire pour les ulama de clarifier la aqidah des salaf. Hein. La aqidah qu'on doit prendre et qu'on doit s'y accrocher pour arriver à obtenir la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cette voie que celui qui la suit, il aura ce qu'Allah a promis, et s'il la contredit, et s'il suit autre que cette voie, alors il sera parmi les gens de l'enfer. Parce qu'il a abandonné le chemin du salut, il a abandonné la voie de la vérité, et il a pris la voie de l'égarement, hein, et de la fausseté. فلا نجاة إلا باتباع السلف الصالح ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي هذه عقيدة السلف هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذن فلا بد من معرفة عقيدة السلف الصالح حتى نتمسك بها ونسير عليها ولأن كل واحد أو كل واحدة من الفرق الضالة تدعي أنها على عقيدة السلف الصالح ويدعون أنهم هم أهل السنة فالفرق الضالة كل فرقة تدعي أنها أهل السنة والجماعة وأنهم أتباع السلف الصالح فلا بد من بيان عقيدة السلف الصالح على الوجه الواضح حتى يزول الادعاء والكذب فمن قال أنه من أتباع السلف نظرنا في عقيدته فإن كانت عقيدته صحيحة سليمة مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة فإن كانت عقيدة صحيحة وسليمة يكون من أهل السنة والجماعة لأنه صدق دعواه بفعله وتطبيقه أما من يدعي أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدته مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة إما جهمي إما معتزلي إما أشعري إما قبوري يدعو من دون الله عز وجل ويتبع غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتبع طريقة المشايخ وطريقة شيوخ الطرق الصوفية ويمشي على منهجهم فهذا ليس على منهج السلف الصالح وليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh nous explique clairement et facilement et simplement la question. Il nous dit, il n'y a pas de salut possible, excepté en suivant la voie des salaf salih. Il n'y a pas de possibilité d'être sauvé, excepté en suivant cette voie. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, au sujet, ou en décrivant le groupe qui sera sauvé de l'enfer, il a dit, ce sont ceux qui suivent ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Hein? Donc c'est clair et c'est simple en réalité, pour être sauvé, tu dois être sur ce que suivait le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il dit donc, ça c'est l'aqida des salafs, et c'est ce que suivait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Donc, il faut la connaître. Il faut la connaître, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut connaître l'aqida des salafs salih pour qu'on puisse s'y accrocher et suivre cette voie. Parce que toutes les sectes qui existent, elles prétendent toutes avoir l'aqida des salafs salih. Et elles prétendent toutes avoir la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Elles prétendent toutes être sur la Sunnah. Hein? Vous avez tout le monde aujourd'hui qui se dit, si tu lui demandes est-ce que tu es sunni, il dit oui, je suis sunni. Malgré qu'il fait plein de bid'ah, hein? Il est sur la bid'ah. Il croit en des bid'ah. Donc, comment tu peux être sunni et dire que tu es sur la sunna alors que tu pratiques des bid'ah et tu crois en de la bid'ah? Donc, il y a un problème dans ta compréhension, hein? Donc, c'est pour ça que, il dit le cheikh, toutes les sectes d'égarement, elles prétendent toutes être sur la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a et qu'elles suivent les salafs salih. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On croit à tout le monde et on accepte tout ce que les gens prétendent. On dit à toute personne qui dit « moi je suis sur la voie des salafs », ça veut dire « ok, ça y est, puisque tu le prétends, donc on va l'accepter ». Non, ce n'est pas suffisant juste de le prétendre et de le dire, il faut être capable de ramener des preuves et de le prouver. Hein? Ce n'est pas juste des prétentions. Hein? Comme le cheikh il explique, il dit « qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là » Il faut, dans ce cas-là, montrer et clarifier l'aqida des salafs d'une façon claire pour que toutes les prétentions fausses et tous les mensonges soient éliminés. Et donc, dans ce cas-là, si quelqu'un vient nous voir et il nous dit « moi je suis l'aqida des salafs », alors on va regarder cette aqida, on va l'observer, on va voir qu'est-ce qu'il prétend. Si cette aqida qu'il prétend est une aqida qui est correcte, qui est propre, qui est en accord avec l'aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, alors on va dire oui, il est de Ahl Sunnah wal Jama'a, il est sur l'aqida des salaf al-salih. C'est pas juste une prétention, c'est pas juste un drapeau qu'on sort et qu'on montre aux gens, c'est pas juste un slogan qu'on répète. Hein, il faut avoir des références et des bases. Donc, si on regarde sa aqida et que c'est en accord, on l'accepte. Si on regarde sa aqida et on voit qu'elle n'est pas en accord, hein, avec sa prétention, il n'est pas dans ses actions et dans sa pratique. Il contredit la réalité de la aqida d'Ahl Sunnah. Alors on va dire que celui-là, il ne fait que prétendre. Et que sa aqida, elle est en contradiction avec la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Soit que c'est un Jahmi, hein, un Jahmi de la secte Jahmiya, ou bien des Mu'tazila, hein, ou bien de la secte des Asha'ira, qui nie les attributs d'Allah, hein, qui disent que la foi c'est juste dans le cœur, hein, ou des choses de ce genre, ou bien c'est un Kubouri, il croit en les tombes, et il croit que c'est permis de prier les morts et les tombes. Hein. Il invoque d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, il prie les saints. Hein. Donc il suit autre que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui moi je suis sur la sunna, mais il suit autre que la sunna, il suit la voie des khawarij qui font le takfir des musulmans et qui prennent les armes contre les dirigeants, ou bien il suit la voie des groupes modernes qui ont été inventés dans ce siècle et qui suivent les sectes qui sont venus auparavant mais qui les rabille d'une autre façon plus moderne, qui les décore d'une autre façon, qui reformule leur croyance d'une manière un peu plus moderne pour qu'on ne puisse pas les reconnaître aussi clairement. Mais quand on regarde en profondeur qu'est-ce qu'ils enseignent, on réalise qu'ils ne font que faire revivre les anciennes sectes et les anciennes bid'ahs qui sont mortes, hein, sous un nouveau jour. Hein. Donc ça c'est des ruses. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui dit qu'il suit par exemple la sunna mais qu'il est en train de suivre les différentes turuq, hein, les différentes turuq soufiya qui existent, hein, et les différents shuyukh des turuq soufiya, ils suivent leur voie et leur méthodologie et ils font des bid'ahs. Donc, ça c'est pas suffisant juste de le prétendre, il faut le prouver maintenant. Il faut prouver cette chose-là. Et le cheikh il dit, فَالْأُمُورْ لَيْسَتْ بِالدَّعَوَى وَإِنَّمَا الْأُمُورْ بِالْحَقَائِقِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرِ وَالدَّعَوَى إِذَا لَمْ يُقِيمُ عَلَى بَيِّنَاتٍ أَهْلُهَا أَدْعِيَاءِ فهؤلاء يقال لهم أدعياء لأنهم يدعون شيئا لم يحققوه. Donc le cheikh il dit c'est pas juste des prétentions, sinon c'est juste des gens qui prétendent. Hein? Et il mentionne un vers de poésie qui donne cette signification-là. Et il y en a le poème bien connu, « Wa kullun yadda'i waslan bilayla »« Wa layla la tuqirru lahum bidhaka » Ça, c'est un poème célèbre que les gens mentionnent en voulant dire ils prétendent tous avoir un lien avec Leïla, mais Leïla, elle ne confirme pas qu'est-ce que ces gens-là prétendent. Donc, c'est bien beau de prétendre des choses, mais si tu ne veux pas le prouver, ça ne sert à rien. Aqidatu salaf al-salih, ma hiya, ayyuha al-ikhwa, aqidatu salaf al-salih, tubna al-arkan, wa hiya al-imanu billah, wa malaikatih, wa kutubih, wa rusulih, wa liyom al-akhir, والإيمان بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان أركان العقيدة الصحيحة ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة أصحابه رضي الله عنهم إذ قال له أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه الأصول والأركان مذكورة في القرآن الكريم قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه خمسة أصول وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فذكر هذه الأركان تارة مجتمعة وتارة متفرقة أو متفرقة تارة يذكر بعضها وتارة يذكرها جميعا تارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وتارة يذكر الإيمان بهذه الأصول الخمسة ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين أما القدر وهو الأصل السادس فهو مذكور في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Donc le cheikh explique donc, mes frères, qu'est-ce que c'est la aqida des salaf al-salih. Il faut savoir premièrement qu'elle est établie sur six piliers. C'est-à-dire la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi en la prédestination, de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et ces piliers-là sont les bases de la aqida, de la bonne aqida. Six piliers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clarifié à Jibril lorsqu'il était en présence de ses compagnons et que Jibril est venu lui poser la question au sujet de la foi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu que la foi, c'est de croire en Allah, de croire aux anges, de croire aux livres, de croire aux messagers, de croire au jour dernier, de croire en la prédestinée. Hein? Qu'est-ce qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, de bien ou de mal. Ça, c'est les six piliers de la foi qui sont mentionnés dans plusieurs versets du Coran, comme par exemple dans le verset 177 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère cinq d'entre ces piliers-là. La bonté ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident, mais plutôt la bonté consiste à croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Cinq piliers qui sont mentionnés dans ce verset, puis dans le verset 285 dans Surat al-Baqarah, le prophète a cru en ce que son Seigneur a fait descendre sur lui, de même que les croyants ont cru en cela. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et ils ne font aucune distinction entre ces messagers. Et ils mentionnent des fois ces piliers-là ensemble, des fois ils les mentionnent séparément, des fois ils en mentionnent certains, d'autres fois ils mentionnent seulement la foi en Allah et au jour dernier, d'autres fois ils mentionnent les cinq piliers, comme on a mentionné tout à l'heure. En ce qui concerne le sixième pilier, ils le mentionnent dans le verset 49 dans Surat al-Qamar, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose dans une juste mesure. Hein? Donc le Cheikh Zibal, Inna l'iman bil qadar dakhilun fil iman. لأن القدر من أفعال الله. فالإيمان إن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله. لأن القدر من أفعال الله جل وعلا. والإيمان بالله يشمل الإيمان بذاته سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن أفعاله القدر فإن الله جل وعلا هو مقدر المقادير مدبر الأمور فالإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله جل وعلا ولكنه ذكر مفردا للأهمية وهذه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc ça c'est hein, le cheikh il dit la foi en al-qadar ça fait partie de la foi en Allah en réalité. On le mentionne comme sixième pilier de la foi, mais en même temps ça rentre dans la foi en Allah puisque ça fait partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de croire en Allah, ça comprend quoi? Ça comprend de croire en sa personne, de croire en ses noms, de croire en ses attributs et de croire en ses actions. Donc parmi ces actions il y a al-qadar, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la destinée des créatures. Et c'est lui qui gère tout et qui contrôle tout dans l'univers. Donc, de croire en Al-Qadar ou Al-Qadar, le décret et la prédestinée, fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'on le mentionne souvent seul dans le Coran parce que c'est quelque chose de très important. Et parmi les fondements de la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, donc il y a ces six piliers. Et le Cheikh maintenant, il explique les six piliers un par un, et il explique pour commencer la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça le plus important en réalité. Et quand on dit que c'est ça la base de la aqidah et qu'on les mentionne comme ça, les gens pourraient s'imaginer ou pourraient dire, eh bien si c'est ça les bases de la aqidah des salaf, et si c'est ça la base de la foi, alors dans ce cas-là, tout le monde accepte ça et toutes les sectes ont cru en ça. Sauf que il faut comprendre en réalité que dans la compréhension de la foi en ces piliers-là, il y a eu beaucoup de divergences chez les musulmans et beaucoup se sont égarés et ont dévié justement au sujet de ces questions-là, et en particulier dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils se sont écartés du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, parce qu'ils ont suivi leur passion dans la façon de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien parce qu'ils ont pris une partie des textes et ils ont laissé les autres. Et donc ils sont tombés dans la contradiction et dans l'égarement à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit al-iman billah hada huwa al-asas wal-iman billah ya'ni al-iman bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi fa huwa yashmal anwa' at-tawhid al-thalatha. فلا يكون الإيمان بالله صحيحا إلا إذا اشتمل على هذه الأنواع الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بالأسماء بالتوحيد الأسماء والصفات. الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. Donc le cheikh explique que la foi en Allah c'est la base. Et quand on dit la foi en Allah, ça signifie de croire en Allah, en sa souveraineté, en le fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et de croire en ses noms et en ses attributs. Donc, de croire en Allah, ça comprend ces trois catégories de tawhid. Et il n'y a pas de foi en Allah qui puisse être correcte si elle ne comprenne pas ces trois catégories de tawhid. La foi en Allah, en sa rububiyya, la souveraineté d'Allah, du fait, donc on va l'expliquer après, la foi en tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration, et tawhid al-asma wa sifat, la foi en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit tawhid al-rububiyya huwa al-iman bi af'al Allah jalla wa ala min al-khalq wa al-rizq wa al-ihya wa al-imata wa tadbir al-umur wa qada' al-hajat. تؤمن بأن الله لا يشاركه أحد في أفعاله سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق معه، ولا أحد يرزق معه، ولا أحد يدبر معه سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالتدبير وحده لا شريك له. لشيخ الذكر الأفواء توحيد الربوبية سبديك تكوى لزكت الله سبحانه وتعالى. Tu crois que c'est Allah seul qui donne le risque, que c'est Allah seul qui crée, que c'est Allah seul qui fait vivre, que c'est Allah seul qui fait mourir, que c'est Allah seul qui gère les choses dans l'univers, c'est lui qui remplit nos besoins. Tu crois qu'il n'y a personne qui partage cela avec Allah. Il n'y a personne qui partage quoi que ce soit dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui crée avec lui. Il n'y a personne qui donne le risque avec lui. Il n'y a personne qui gère l'univers avec lui. C'est lui seul qui gère hein, il est le seul à gérer, hein, il n'a pas de partenaire dans quoi que ce soit de ces choses-là. Tout lui appartient. Et il n'y a pas un atome dans l'univers, excepté que c'est à lui seul. Et il ne le partage avec personne. C'est lui seul qui le contrôle. Hein? Il est le Tout-Puissant. Donc ça, c'est Ar-Rububiyya. Et dans Ar-Rububiyya, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'égarement et qui ont dévié. Hein? Malgré que la majorité des mouchrikoun, ils croyaient en Ar-Rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-arda la yaqulunna Allah » Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, si tu demandes aux mouchrikoun à la Mecque, aux mouchrikoun qui adorent les idoles, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Si tu demandes aux chrétiens et aux juifs qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Pourtant, ils font le shirk. Ils s'associent avec Allah dans l'adoration. Hein? Et parmi les gens maintenant qui se disent musulmans, la même chose. Il y en a qui disent la ilaha illallah. Pourtant, quand ils ont des malheurs ou des problèmes, ils vont à la tombe. Ils vont voir le wali. Ils vont demander la guérison. S'ils sont allés voir les médecins et ça marchait pas, ils sont allés voir les médecins, ils ont pris plein de médicaments, ça marchait pas. Ils ont fait des opérations, ça marchait pas. Ils disent, ah, maintenant on va aller voir le wali. Ils s'en vont, ils font un voyage, ils s'en vont à la tombe. Ils essaient de demander au wali pour qu'il les guérisse. Alors qu'il est mort dans sa tombe, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Hein? Et ça, c'est du shirk majeur. Shirkun akbar est celui qui croit en ça ou qui fait ça. Eh bien, il n'est pas musulman, ça c'est certain. Hein? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et il y en a parmi les musulmans également qui ont même dévié dans Ar-Rububiyya. Dans le Rububiyya, même dans le Rububiyya, ils ont dévié. Il y en a parmi les soufis, hein, qui croient en qu'est-ce qu'on appelle Rijalul Ghayb. Et qui croient en Al-Ghawf ou Al-Qutb. Et ils croient que ce sont des hommes invisibles. Et à la tête d'eux, il y a celui qu'ils appellent le pôle et qui gère l'univers et que c'est lui qui fait tomber, c'est eux qui décident quand est-ce que la pluie tombe, c'est eux qui décident, hein, tout ce qui se passe dans l'univers. Ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala leur a laissé la gestion du monde, c'est eux qui contrôlent maintenant. Et quand ils ont un malheur, quand ils ont une détresse, ils les invoquent eux, hein, au lieu de demander à Allah seul. Donc ça c'est même du shirk dans Ar-Rububiyya, hein? Allahu al-musta'an. Le Cheikh il dit amma tawhid al-uluhiyya fa huwa ifrad Allah jalla wa ala bi af'al al-ibad allati amarahum biha. Hein, vous avez en même temps aussi les exemples des Rafidah Shi'a en Iran qui vont adorer les tombes de Al-Hassan wa Al-Hussein radiyallahu anhum. Ils disent qu'ils les aiment, mais la réalité c'est qu'ils exagèrent dans leur amour pour eux, au point de les prendre pour des divinités en dehors d'Allah, et de les associer dans leur adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dépassé le shirk des juifs et des chrétiens, hein, par rapport à Isa ibn Maryam. Les chrétiens, c'est ça ce qu'ils ont fait, ils ont tellement exagéré dans leur amour pour Isa, qu'ils ont fait de Isa un dieu. Et ils l'adorent en dehors d'Allah, ils adorent Marie, sa mère. Et ils adorent plein de saints. Hein? Dernièrement, ici en France, il y a des centaines de pèlerinages qui se font chaque année pour les saints de l'Église catholique. Et dernièrement, à Lourdes, il y avait justement un pèlerinage. Ils sont partis par milliers là-bas pour adorer cette idole et cette statue qu'ils ont pris en dehors d'Allah. Et par la suite, si tu leur demandes, est-ce qu'il y a un seul Dieu unique, ils vont dire oui. Malgré ça, ça ne les empêche pas d'adorer d'autres que Allah, hein, et de faire de l'idolâtrie. De l'idolâtrie qui ressemble à l'idolâtrie des hindous en Inde, hein, qui adorent des milliers d'idoles et qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Hein. Quand ils se lèvent le matin, ils vont voir la petite idole qui est dans la maison, ils mettent des petits fruits, ils mettent un petit peu d'eau, du jus ou des choses, de l'encens, hein, pour honorer cette idole, ils pensent qu'ils communiquent avec Allah subhanahu wa ta'ala en passant par cette idole qu'ils ont dans la maison. Hein? Il y en a d'autres qui adorent le rat ou d'autres choses. Dans une ville, ils ont tellement, hein, ils ont un temple pour le rat, il y a tellement de rats que la ville, elle a été infestée de rats. Et ils refusent de les tuer parce qu'ils croient que c'est une représentation de Dieu pour eux. Hein? Ils pensent que Dieu se manifeste à travers ça. Hein? Donc ils sont infestés de rats. Hein, donc ça c'est des exemples de shirk hein, de la part de ces gens-là. Le cheikh dit أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي أمرهم بها وشرعها لهم من الدعاء والصلاة والصيام والحج والذكر وجميع أفعال العباد القولية والعملية والقلبية من الخوف والخشية والرهبة والرهبة والرجاء وجميع أعمال القلوب وكذلك أعمال الجوارح وأقوال اللسان من ذكر الله والثناء عليه وهو توحيد الألوهية وأعمال الجوارح وهي الأفعال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال البدنية وكذلك الأعمال المالية والعبادات المالية كالزكاة والصدقات والذبح تقربا إلى الله والنذر هذه عبادات مالية فالنذر قد يكون عبادة بدنية وقد يكون مالية فالعبادات تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح وكلها تسمى توحيد الألوهية الألوهية معناها العبادة وإن شئت تسمي هذا النوع توحيد الألوهية وإن شئت تسميه توحيد العبادة المعنى واحد donc le cheikh dit il y a également une catégorie de tawhid qui est le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que tu rends ton adoration exclusivement pour Allah toutes tes adorations que tu fais toutes les adorations que Allah a légiférées dans le Coran et dans la sunna comme le dua, la salat le jeûne, le hajj, le zikr toutes les actions que tu fais donc avec ton corps, avec ta langue, avec ton cœur, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, hein? Tout ça, ce sont des actes du cœur, des adorations du cœur, hein? Ça fait partie de l'ibada, hein? De même que les actes du corps et les actes de la langue, comme le fait de glorifier Allah, le fait de se souvenir d'Allah, tout ça, ça fait partie donc du tawhid dans l'adoration. Tu dois le faire uniquement pour Allah. Tu ne dois pas le faire pour autre que lui. Et les actions du corps aussi, comme par exemple la salat, le jeûne, le hajj, la umra, le jihad, le fait de garder les liens de parenté. Hein, ça, c'est des actes du corps. Et il y a des actes d'adoration qui sont faits avec ton argent aussi, avec les biens, comme la zakat et les sadaqat et les sacrifices que tu fais lorsque tu fais des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu égorges des animaux pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite tu donnes un sadaqa. De cette viande, hein, et tu te nourris avec. Et tu fais des vœux également, hein, lorsque tu fais un vœu pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, ça fait partie des adorations qui peuvent être faites avec le corps ou avec l'argent également. Et donc, il y a aussi des adorations qui sont faites avec la langue, d'autres avec le cœur, d'autres avec le corps. Et on appelle tout ça Tawhid al-Uluhiyya, lorsque tu l'as rendu exclusivement pour Allah. Al-Uluhiyya, ça veut dire l'adoration, l'ibada, c'est un synonyme. Tu peux dire Tawhid al-Uluhiyya ou tu peux dire Tawhid al-Ibada, les deux, c'est synonyme, c'est la même chose, c'est la même signification. Puis il y a la troisième catégorie de Tawhid, qui est le Tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il dit, وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى سَمَّى نَفْسَهُ بِأَسْمَاءِ كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى جل وعلا له أسماء وله صفات الأسماء مثل الله الرحمن الرحيم العزيز الكريم الرؤوف السميع البصير والصفات مأخوذة من هذه الأسماء فكل هذه الأسماء يتضمن صفة من الصفات مثل الرحمن الرحيم يتضمن وصف الله بالرحمة والسميع يتضمن وصف الله بالسمع والحي يتضمن وصف الله بالحياء وهكذا كل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى كالعليم يتضمن وصف الله بالعلم والكريم يتضمن وصف الله بالكرم والجود فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من الصفات ولهذا سميت بالحسنى يعني الكاملة التي لا نقص فيها فليست مجرد الألفاظ، وإنما هي أسماء عظيمة تدل على معان وصفات عظيمة لله جل وعلا. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie de tawhid, c'est le tawhid ou l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs d'Allah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala était nommé lui-même par des noms, par différents noms. Et il mentionne le verset 180 dans surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms. Et il mentionne le verset 8 dans surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il a les plus beaux noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs. Parmi ces noms, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Al-Aziz, le tout puissant, Al-Karim, le généreux, Ar-Ra'ouf, l'indulgent, le clément, As-Sami' al-Basir, l'audient et le voyant, celui qui entend tout et qui voit tout. Donc ces attributs-là, donc ces noms-là sont des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les attributs sont tirés de ces noms. C'est-à-dire on peut tirer de chacun des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala une attribut. Une attribut. Et donc, parmi les exemples de ça, il y a le fait que, par exemple, quand on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, on peut tirer de ces deux noms-là que Allah est décrit par la miséricorde. C'est-à-dire qu'il a parmi ses attributs qu'il est miséricordieux, qu'il a la miséricorde. As-Sami', on peut dire qu'il a l'attribut de l'ouïe, qu'il entend. Al-Hayy, on peut dire qu'il a l'attribut de la vie, qu'il est vivant. Hein? As-Sam' al-Basar, hein? Parce qu'il est al-Basir, donc on peut dire qu'il est le voyant, celui qui voit. Donc chacun des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il implique une attribut parmi ses attributs. Comme Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout, ça implique qu'il a la science, et que ça c'est une de ses attributs. Al-Karim, ça implique qu'il a la générosité. Hein? Donc tout ça, ça fait partie des exemples des noms d'Allah qui impliquent et qui comprennent donc des différents attributs. Et le cheikh dit وَلِهَذَا سُمِّيَتْ بِي الْحُسْنَى يعني الْكَامِلَى الَّتِي لَا نَقْصَ فِيهَا. Les noms d'Allah n'impliquent aucune imperfection. Ce sont des noms les plus beaux, et quand on dit qu'ils sont les plus beaux, ça veut dire que ce sont des noms de perfection qui n'impliquent aucune imperfection. Il dit ensuite, فَلَيْسَتْ مُجَرَّدُ أَلْفَاظٍ. Ces noms-là, ce ne sont pas juste des mots. Elles ont des significations. Ces noms-là ont des significations, des grandes significations. وَصِفَاتٌ مَعَانٍ وَإِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءٌ عَظِيمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ وَصِفَاتٍ عَظِيمَةٍ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى فَتُؤْمِنُ بِذَلِكَ وَتُثْبِتُ لِلَّهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تشبيه وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أنواع التوحيد، وهو تفسير الإيمان بالله جل وعلا. Donc le cheikh, et on va terminer avec ça, le cheikh il dit donc que les noms d'Allah sont des grands noms, ils ont des grandes significations, et les attributs également ont des grandes significations aussi. Et parmi les principes de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est qu'on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même, et affirmer tous les noms et tous les attributs qu'il s'est affirmé pour lui-même. Et également on le fait sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, et on nie tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a signé pour lui-même, et on purifie Allah subhanahu wa ta'ala de ressembler à ses créatures, mais en même temps on ne nie pas la réalité de ses attributs. Ça c'est la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, contrairement aux gens de bid'a comme les Asha'ira, les Maturidiyya, les Jahmiyya, les Mu'tazila et les Ahbash aujourd'hui, sûrement vous avez entendu parler d'eux, qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils voient un verset dans le Coran qui affirme une attribut d'Allah, ils disent qu'ils ne l'affirment pas telle qu'elle est mentionnée. Ils ne veulent pas y croire. Hein? Si Allah dit qu'il est au-dessus de son trône, quand il dit Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, eux ils disent non, ça c'est pas possible, on veut pas affirmer cet attribut là parce que si on attribue ça, ça implique plein d'autres choses. Et la raison pourquoi ils disent ça, c'est parce qu'ils essaient d'imaginer dans leur tête Allah, ils essaient d'imaginer comment il est sur son trône. Et ça, c'est interdit de le faire. Puisque Allah, il dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay ». Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien de comparable à lui. Donc, étant donné qu'ils ont fait cette ressemblance dans leur esprit, en essayant d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, pour sortir de ce problème, ils se sont enfuis vers la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de déformer le sens de la signification de l'attribut de al-istiwa. Et donc au lieu de dire istawa, ils disent istawla. C'est-à-dire au lieu de dire il s'est élevé au-dessus de son trône, ils disent il a pris le pouvoir du trône, il a conquis le trône. Et ça c'est encore plus grave que ce qu'ils essaient de se sauver, yani. C'est-à-dire ils essaient de se sauver, de faire ressembler Allah à sa créature, puis ils tombent dans quelque chose de pire encore, c'est-à-dire d'affirmer que quelqu'un était sur le trône et que Allah est venu et il l'a conquis. Et ça c'est grave, hein? Est-ce qu'il y avait quelqu'un sur le trône avant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est venu, il l'a enlevé et il a pris sa place? A'udhu billah. Donc ça c'est kufr, yani, on ne peut pas croire en ça. Nous on affirme les attributs qu'Allah s'est affirmé à lui-même sans nier la réalité de ces attributs-là. Et on n'essaie pas de déformer le sens de ces attributs-là pour nier leur réalité. Ça c'est le manhaj des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et c'est cette voie-là qu'on doit suivre. Comme l'imam Malik, rahimahullah, a dit, quand on lui a posé la question à propos de cet attribut de al-istiwa, un homme est venu et lui a dit, hein, à l'imam Malik, il a dit, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, kayfa istawa? Qal, hein, qal al-istiwa ma'lum, wal kayfu majhoul, wal iman bihi wajib, wal su'al anhu bid'ah. Ça c'est la voix d'Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah. Quand l'homme est venu, il dit, Allah il dit dans le Coran que le tout miséricordieux, Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Comment il s'est élevé au-dessus de son trône? L'imam Malik, il n'a pas aimé cette question-là. Parce que cette question-là, elle est contraire à la croyance de l'islam. Hein? Les sahabas n'ont jamais posé cette question. Donc ça l'a mis en colère. Et il a répondu, il a dit, le verbe arabe, istawa, il est connu dans la langue arabe. Tu demandes à n'importe quel arabe de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mot istawa, il n'a pas besoin d'un dictionnaire pour savoir ce que ça signifie. Tout le monde le connaît. Hein? Donc, al-istawa, ma'loum. Celui qui a besoin de savoir, de demander au sujet de istawa, qu'est-ce que ça veut dire, c'est qui? C'est celui qui est un nom arabe, qui ne connaît pas la signification du verbe, et donc il est obligé de vérifier dans les dictionnaires ou de demander à quelqu'un pour savoir ce que ça signifie. Hein? Lui, il va voir, il va dire, al-istiwa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ala wartafa'a. Et c'est ça que les ulama, parmi les sahaba, ont expliqué. Hein? Donc, il a dit al-istiwa ma'loum. Wal-kayf, le comment, majhoul, on ne peut pas le savoir, puisque Allah ne nous l'a pas dit. Hein? Wal-iman bihi wajib. C'est obligatoire d'y croire, puisque ça fait partie de ce que Allah nous a informé dans le Coran. Was-su'alu anhu bid'ah. De poser des questions à ce sujet-là, c'est une innovation, c'est une bid'a. D'accord? Donc, si tu suis cette voie-là, tu es sur la bonne voie, tu es sur la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et tu t'es sauvé des différentes sectes également à ce sujet-là, comme la secte des Ahbash, ou la secte des Asha'ira et des Maturidiyya, et la secte des Jahmiyya et des Mu'tazila, et de beaucoup d'autres sectes qui se sont déviées dans ces questions-là. Hein? Et les Ahbash, des fois, ils te disent, ouais, mais le verbe istawa, ça veut dire 15 différentes choses. On ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et nous, on leur répond à ce sujet-là, que même si un nom, hein, il a plusieurs significations, et qu'on peut l'employer de différentes manières dans la langue, eh bien, même en français, il y a ça. En français, il y a des mots, ils peuvent avoir différentes significations. Et tu regardes dans le petit Robert, ou dans le Larousse, tu vois qu'il y a des mots, des fois, ils ont plusieurs significations. Et si tu lis par exemple une phrase hein, qui dit par exemple je suis allé par exemple dans ma tente et est-ce que tu vas dire par exemple est-ce que ça veut dire la tente ou bien ça veut dire la tente avec le E ou avec le A hein? Les deux ça se prononce de la même manière. Tu vas dire quoi? Tu vas regarder le contexte, puis tu vas comprendre que ça veut dire une tente, hein? Une tente dans laquelle tu dors. Ça, c'est un exemple. Mais la même chose avec istawa, tu vois dans le contexte, ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, et tu regardes selon le contexte, quand istawa est utilisé et qu'il est précédé par ala, qu'est-ce que ça peut être comme signification? Ça ne peut être autre chose que ala wa artafa'a, sa signification. Hein? Mais s'il est utilisé dans d'autres contextes, il peut peut-être avoir une autre signification. Mais dans ce contexte-là, il est clair sa signification. Et si tu retournes aux différents versets dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce verbe, hein, tu vois que la signification, elle est claire. Elle peut avoir un sens aussi, par exemple, pour la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Az-Zukhruf, par exemple, par rapport à quand on monte sur la monture. Il dit par exemple, لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Donc, litastawu ala zuhurihi, pour que vous puissiez monter sur leur dos. Ça, c'est une créature quand elle monte sur le dos d'une monture. Ça, c'est la créature quand elle monte sur une autre créature. Mais quand Allah il dit ar-Rahman al-Arsh istawa, il faut savoir que on ne doit pas faire de comparaison entre ça et ça. Le créateur, c'est le créateur, il n'y a rien qui lui ressemble. Et l'istiwa du créateur, c'est un istiwa qui lui convient. Et l'istiwa de la créature, c'est un istiwa différent qui convient à celle de la créature. Et tu ne dois pas essayer d'imaginer ou de faire des ressemblances ou des comparaisons entre les deux. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. La même chose que Allah, il dit qu'il a une main, tu dis qu'Allah, il a une main. Tu n'essaies pas de faire ressembler ou d'imaginer la main d'Allah et de la faire ressembler à la main de la créature. Tu l'affirmes telle qu'elle est. Et tu dis pas que la main c'est le pouvoir ou la main c'est la grâce, puisque dans les versets Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma mana, Allah dit à Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, avec mes deux mains, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner avec ce que j'ai qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Maintenant s'ils disent que la main c'est la force, est-ce que Allah a deux forces? Allah il a une force. Hein? C'est quoi ça? Hein? Ou bien c'est grâce? Lima khalaqtu bi yadayya et bi ni'matayya, avec mes deux grâces. Est-ce que Allah a juste deux grâces? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous calculez les grâces d'Allah, vous ne pouvez même pas les dénombrer, il en a trop. Donc ça, c'est des exemples pour montrer la fausseté de ces genres de déformation et de falsification des sens, des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est juste un petit résumé qu'on a fait, hein, et yani, on n'a pas le temps de clarifier le reste de la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, mais juste avec cette introduction et avec cette première partie, on est capable de déjà voir quand même une grande portion donc des fondements et des bases de la croyance de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et inshallah, je vous encourage chacun d'entre vous et je m'encourage moi-même aussi à continuer inshallah, à essayer de continuer à apprendre notre religion et à comprendre notre aqida, la aqida des salaf et notre tawhid inshallah, pour que on sache que inshallah, si on meurt demain, on sera bi'iznillah sur la bonne voie et qu'on ira inshallah au paradis et que Allah nous pardonnera nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وإياكم جزاكم الله خيرا.